des gens qui cherchent la lumière en pleine nuit. Les gens qui courent après l'amour et qui le fuient. Les bras qui se lèvent pour un Dieu qui ne voit pas. Moi j'ai ta chair contre ma chair, en ça je crois. Femmes qui pleurent leurs enfants, mais restent dignes. Toi, tu me rends plus fort chaque jour, sans Dieu ni loi. Et quand nos corps se font l'amour, je sais pourquoi.